Les étrangers expriment la vénération plus ardente envers le général Kim Jong-il. Le président du cercle d'études du kimsonisme-kimjongisme de Conakry, Guinée, a indiqué « Quand les impérialistes prétendaient l'échec du socialisme, le général Kim Jong-il a publié l'œuvre classique « Le socialisme est une science » et déclaré l'échec définitif de leur stratégie antisocialiste. La réalité de la Corée qui se développe au fil des jours prouve que le socialisme est une science et la vérité, et que la marche de l'humanité vers le socialisme est la loi de l'histoire. » Le président du Comité national ougandais pour l'étude des étudiants et le président d'honneur de l'Union des communistes de Bulgarie ont dit « Le socialisme préserve sa nature et devient un courant de l'époque qu'aucune force ne peut empêcher. C'est grâce à la direction du général Kim Jong-il. » À présent, l'œuvre d'émancipation du monde progresse avec plus de vigueur grâce au camarade Kim Jong-un qui fait briller les idées et les exploits du général Kim Jong-il.